Qu'est-ce qu'il y a, Prod ? Je veux que tu me regardes bien dans les yeux. Allez, regarde. Viens ici. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que vous avez vu, l'enfer ? Tu veux voir, toi aussi ? Ses yeux ont vu d'épouvantables horreurs. C'est la plus grande des preuves. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais. Cet été je t'envoie une carte postale du parc floral. N'écoute pas de faux rap, dans ma tête c'est la pastorale. Quand je suis pompette j'arrive, viens pas pomper ma rime. On ferme pas l'œil de la nuit comme les pompiers de Paris. Ici je me sens épié comme un rouquin en boîte le soir. On se requin qu'on boit dans un bar requin qu'on voit. Ça crève les yeux comme un travelot dans l'état bolchevique. J'y vois clair même si j'ai pas la voix d'Andrea Bocelli. La France et son ascensionnisme provoque l'abstentionnisme. Instable on monte et on descend comme un ascensoriste. C'est pas le monde des polypockets, on a la police au fait. Je veux me barrer ailleurs avant d'avoir des polypes au sexe. Regarde cette planète part en couille, y'a ta d'autistes si molle. Les gens sont seuls déprimés, se confient à Doctissimo. J'arpente les rues de ma ville perdue entre Shell et Créteil. Dans l'erreur parce que ce qu'on voit nous tronc comme Ansel et Gretel. Encore une fois je viens vous lâcher un couplet triste. La peine ça rapporte pas, si c'était le cas ça ferait longtemps que je serais riche. On avance pas, les portes se ferment et les barrières s'érigent. Et malgré moi je combats ma flemme quand les galères sévissent. Ma gueule approche, car pour comprendre il faut que tu vois ça. La rue c'est moche, elle te donnera que le rôle du poids. Ça on nous reproche, notre insolence bref d'être trop bavard. Y'a un truc qui cloche, pour moi c'est pas que le fruit du hasard. Jette un œil, si t'as pas peur de finir éborgné. Ici ça crève les yeux qu'on nous a jamais rien épargné. Comme dans la vie à deux, si on t'embrouille faut laisser parler. Si tes potes partent en couille, hésite pas à t'en séparer. J'aurais honte devant le daron qu'on dise que son fils est égaré. Quand je dis que le monde tourne pas rond, je le fais toujours sur des sons carrés. Fais des choix qui sont les bons, où toute ta vie les rêves tu caresses. Faut éviter de faire le con, et quand t'as peur rien les séparer. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux. On a le moral de patricienne, on essuie les tirs fratricides. Préfère un délit flagrant qu'une entourloupe furtive. Avec les techniques d'avant, on met des coups de coude sublimes. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux comme les paroles de Claude Guéant. On rêve tous de l'émeraude géant. On marche la corne effluée, le diable adore zouker. Fort et soufflé, force et douter que des rapports soufflés. Regarde dans mes yeux, tu verras mon vécu qui se loge au fond de ma pupille. Depuis des années, je suis vanné, c'est lequel que me course et non pas mon public. Des maths tout autour de nous, c'est le bordel, tu peux pas le concevoir. Parce que ça crève les yeux, la galère. C'est qu'faut le voir pour le croire. Chaque soir la même ambiance. Quand on décuve les keufs appréciés. Pas près un paquet de bière. Ma vision se décupe tout comme Tenchian. On squat sous le porche en faisant le deuil de tout ce qui nous attriste. À toi de venir borgne le soir où tu jettes un oeil sur la ville. On voit des scènes stressantes comme une soirée à court garrot. Des mal les petits soignent leur répute. À croire que la prison leur fout le barreau. Je trouve pas ça drôle. Alors je débarque comme un conquistador. J'aime pas qu'on me dise t'as tort. Je m'en bats les couilles. Les femmes conquistadors ce soir s'attisent d'accord. On ramène l'armada car je suis à l'aise dans le son comme Gilbert Montagné. Joue un col à maillard. Notre vision des choses s'étape d'un vodka et la bande à part. Encore un test gratté au fond de la cave, pas dans un grand appart. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux. On a le moral de patricienne, on essuie les tirs fratricides. Préfère un délit flagrant qu'une entourloupe furtive. Avec les techniques d'avant, on met des coups de coude sublimes. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux comme les paroles de Claude Guéant. On rêve tous de l'émeraude géant. On marche la corne effluée, le diable adore zouker. Fort et soufflé, force et douter que des rapports souclés. Jette un œil sur une terre hostile, pauvre type. Paris, c'est pas les tropiques, on voit passer nos vies trop vite. Des ex-coéquipiers sont maintenant des adversaires. Tout le monde se plaint, on se croirait dans un concours de larmes versées. Merde. Surveille tes arrières en te préparant à prendre des coups. L'échec atteint même le bon élève qui apprend ses cours. J'arpente les doutes dans ma tête l'un après l'autre. L'humanité me dégoûte, je me saoule pas qu'à l'heure de l'apéro. J'ai envie de partir, je ressens le besoin de changer d'air. Je suis plus ce gosse naïf, j'aurais dû profiter quand je l'étais. Ici c'est pas la croisette. Ouvre les yeux, je regrette l'époque où le rap à Marseille en a 23ème. Les vrais qu'avaient des qualités sont devenus défauts. Nous on a nos défauts, mais dans nos textes on fait des efforts. T'as déjà dû noter qu'on restait carré sur nos tailles. Ceux qui n'ont pas kiffé n'ont dû écouter que d'une oreille. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de préserver leur image ou de se prendre pour des demi-dieux. Aïe, attention, un essaim de politiciens veulent soigner le monde, mais ça laisse un peu perplexe. Ils disent tous qu'il n'y a pas meilleur médecin qu'eux. Et c'est que c'est pas sain, non, au contraire, on se perd. On avance de part en part, paille devant le bas d'un. Avec à peine 25 ans au compteur de la capitale, je vise l'entente générale et c'est hardi arriver. Le pif engendre des envieux, mais ne fait pas vivre ensemble les gars. Allez-y, levez les barrières, jette un œil, pareil que le FN voit témoin la flamme. C'est un leurre à la limite de certains fêtes. L'ouverture d'une saison de chasse urbaine à l'extincteur. Ils veulent qu'on assimile Nicolas à Casimir. Parle de république, mais vas-y, nique. Ils ont mal capté la commande. Marine risque de passer mon cul sur la commode. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux. On a le moral de patricienne, on essuie les tirs fratricides. Préfère un délit flagrant qu'une entourloupe furtive. Avec les techniques d'avant, on met des coups de coude sublimes. Mesdames, messieurs, ça crève les yeux comme les paroles de Claude Guéant. On rêve tous de l'émeraude géant. On marche la corne effluée, le diable adore zouker. Fort et soufflé, force et douter que des rapports sous clés.